Et maintenant, on accueille pour la dernière, la capsule de Doris. Et donc, Doris, coucou. Merci d'être là pour présenter ta capsule. Merci. Vas-y. Coucou la radio. Du coup, c'est la cinquième et dernière capsule de Ne laissez pas traîner vos instruments. C'est donc, ce soir, je repars à Bruxelles, chez moi, et l'école, entre parenthèses. Mais du coup, c'était super chouette de faire la radio avec vous. Merci beaucoup. Ah, mais on était trop contents. Ouais, merci trop. Beaucoup. Ouais. Voilà. Yes, merci. Reviens avec plaisir, quoi. Comme chaque année, j'ai l'impression que tu arrives à. Le Festival Archipel est calé sur les vacances belges. Donc ça tombe très bien. Comme ça, on te reverra. L'année prochaine. C'est pas vrai. Non, mais justement, moi, l'année prochaine, je sais pas. Ah. Mais en tout cas, cette année-là, je rate l'école. Hein. Ah, d'accord. Ah. Ouais. Ah, mais c'est encore mieux. C'est pour ça que je dois retourner, en fait. Ah, d'accord. Parce que j'ai un énorme contrôle de maths demain. C'est encore mieux. Voilà. Ok, trop stylé, comme on dit à Lausanne. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Comme disent les jeunes. Comme disent la jeunesse. Non, c'est terrible. Non. Jacques Chirac. Du coup, on va passer ta dernière capsule et puis te souhaiter un très bon retour à Bruxelles. Et puis voilà. Merci. À l'année prochaine. Ciao. Prochaine. Merci. Ciao. Gros bisous. 1, 2, 1, 2. Coucou. Ne laissez pas traîner vos instruments. Bonjour, est-ce que vous pourriez juste vous présenter, s'il vous plaît? Salut, alors je m'appelle Cyril Bondy, je suis batteur, percussionniste et je fais partie de l'ensemble Insub. Et donc on vous a vu sur scène là maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc ça s'appelle Insub Polytopie. C'est un projet qui a duré pendant 2 ans dans un champ à La Connaît, donc dans la campagne genevoise. Et on a fait plein d'expérimentations, de compositions en lien. En fait, si tu veux, l'idée c'était de se poser la question de comment faire de la musique dans un champ, tu vois, agricole. Trouver un lien entre les gestes agricoles et les gestes des musiciens. Donc on a travaillé là-dessus, on a fait plein de trucs. Et là, à Archipel, on a créé une pièce qui était un peu la fin de notre projet. Donc on a planté du blé, on l'a récolté, on a fait plein de trucs différents. Et là, en fait, l'idée, c'était d'égrener le blé, de le vanner, ça veut dire de le faire sauter un peu dans des bols, souffler ce que tu appelles la balle, c'est la petite enveloppe qui est autour du grain de blé, et après le moudre pour faire de la farine. Et du coup, la pièce s'appelle du vannage à la mouture. Et voilà, en fait, on a essayé de mettre en musique cette étape-là, en fait. Et est-ce que tu as l'habitude de faire de la musique en groupe ou est-ce que c'est une première? Non, moi, j'ai toujours fait beaucoup de musique en groupe dans plein de styles de musique différents. Ce collectif, il existe depuis quelques années déjà. Et dans ce qui s'appelle Insub, on a aussi un grand orchestre, on est 65, donc on a l'habitude. Et est-ce que tu joues un instrument en particulier ou pas? Ouais, alors à la base, moi je fais de la batterie. J'ai appris à faire de la batterie quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à 14 ans. Et après, petit à petit, j'ai fait le conservatoire, j'ai trouvé ça un peu chiant, tu vois, qu'on m'oblige à lire des partitions. Donc j'ai commencé à déconstruire mon instrument, à utiliser juste des bouts de cymbales, des bouts de trucs de la batterie. Et petit à petit, après jouer ce qu'on appelle la percussion un peu plus expérimentale, essayer de trouver des moyens de faire des sons avec ces instruments, mais pas pour ce qu'ils avaient été conçus, en fait, tu vois. Le faire grincer, trouver un peu des sons avec ces instruments. Donc en fait, j'ai, si tu veux, une pratique où je fais vraiment de la batterie dans des groupes où je joue vraiment de la batterie dans du pop rock et des trucs comme ça. Et là, un truc plus expérimental où j'essaie de travailler sur le son. Et c'est quoi qui t'intéresse vraiment dans la musique expérimentale? C'est plus ça, rechercher des sons et tout? En fait, quand on fait des pièces comme ça, tu vois, c'est assez bizarre, en fait, tu vois, le truc, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire entendre? C'est ça la question, en fait. C'est pas de la musique au sens t'allumes la radio puis t'entends de la musique. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire entendre comme son, comme texture de son, comme sensation, comme émotion. Et souvent, c'est une musique qui alors après, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à entendre ça, puis c'est important d'accepter ça. Mais aussi, c'est une musique qui permet d'évoquer pas mal d'images. Chacun, en fait, ça leur permet d'évoquer des choses, des rêves, des souvenirs, des trucs. Et c'est ça que j'aime dans cette musique, en fait, c'est qu'elle elle incite, en fait, à de l'imagination. Et donc là-bas, il y a une petite vidéo de vous en train de faire la musique. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une différence entre faire de la musique dans la nature et dans une salle comme là maintenant ? Ouais. Alors, elle est super ta question parce qu'en fait, quand tu penses dans la nature, nous on est arrivés dans le champ comme des champions, hein, tu vois, on habite tous en ville et on s'est dit super, on est dans la nature. En fait, dans la nature, il y a plein de bruit. Et on pensait qu'on était dans le silence. Et ça, c'était le truc qu'on a dû apprendre, c'est qu'en fait, dans la campagne genevoise, il y a des avions, il y a des voitures, il y a des motos, il y a le motocross derrière, il y a le chantier, etc., etc. Donc en fait, on a dû gérer et faire notre travail, mais en fait, dans plein de musique, enfin plein de sons en fait, qui nous dérangeaient. Et on a dû accepter ces sons-là. Donc d'une certaine manière, là, en fait, quand tu te retrouves dans une salle de concert qui est hyper silencieuse, avec des gens qui sont hyper attentifs, en fait, ça, c'est artificiel. Ça, c'est pas la nature, tu vois ce que je veux dire. La nature, c'est bruyant. Il y a des oiseaux, il y a tout, il y a du vent, il y a du bordel, il y a du bruit, en fait. Et souvent, on a l'impression que la nature, c'est apaisant, c'est reposant et tout. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir composer avec une nature, en fait, qui est bruyante. Voilà. Eh bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette interview. Cool. Du coup, voilà, merci beaucoup. C'était hyper bien votre concert. Merci. Donc, voilà, bonne chance. Ciao, ciao. Merci Doris. Merci Doris, merci beaucoup pour cette dernière capsule, trop chouette. Et puis bon vent, bon retour à Bruxelles.